franceinter.fr. Bonsoir. Aujourd'hui, dans Autant n'importe l'histoire, George Orwell, 1936, un Anglais en Catalogne. George Orwell, l'auteur bien sûr de 1984, le célèbre roman d'anticipation politique écrit en pleine guerre froide. La peinture d'une société déshumanisée, totalitaire, surveillée par Big Brother. Mais 1984 n'aurait sans doute jamais vu le jour sans 1936, un tournant dans la vie de George Orwell. Écrivain et socialiste, Orwell décide en 1936 d'aller à Barcelone combattre le fascisme qui menace la République espagnole. Dans ce combat, il s'engage sans romantisme échevelé, avec simplicité, courage et une bonne dose de lucidité aussi. Pendant des mois, il vit le quotidien des tranchées. Des tranchées où, du haut de son 1m90, il doit marcher plié en deux. Les vieux fusils, les grenades périmées, la saleté, les poux, les rats. Il rencontre aussi la fraternité avec de simples soldats, la grandeur des gens que l'on dit ordinaires. Et dans cette aventure, où il manque plusieurs fois de laisser sa peau, George Orwell, l'humaniste, va aussi découvrir le visage hideux de la trahison, du crime commis au nom du bien et du sens de l'histoire. Un face-à-face avec le totalitarisme. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Bruce Bégou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et écrivain. Vous avez publié il y a quelques années un petit livre sur George Orwell, de la décence ordinaire. La décence ordinaire, le common decency, le mot anglais, c'est un concept. Je ne sais pas si le mot concept plairait à George Orwell. Enfin, en tout cas, c'est lui qui l'a inventé. J'espère qu'on aura le temps tout à l'heure pour que vous nous en disiez davantage sur ce concept assez génial. D'abord, Bruce Bégou, qu'est-ce qui vous plaît chez Orwell, ses livres, ses idées ou l'homme ou tout? Je pense que c'est un ensemble, effectivement. C'est un parcours singulier d'un auteur un peu surprenant qui part de la classe moyenne anglaise et qui se retrouve comme ça auprès des ouvriers, des trimards, des républicains espagnols. Lui, au départ, il voulait plutôt être James Joyce ou Miller, l'écrivain américain, et puis il se convertit peu à peu à l'écriture politique et au combat politique. Donc c'est à la fois, disons, l'écrivain, l'artiste, le journaliste, l'homme de conviction qui me plaise, oui. Bruce Bégou, le vrai nom de George Orwell, c'est Eric Blair. Mais pourquoi prend-il un pseudonyme ? Oh, peut-être pour changer de la personne sociale à la personne artistique. C'était peut-être une tradition anglaise. Et puis Orwell, c'est une petite rivière, donc toujours ce goût des choses ordinaires chez lui. Peut-être un nom plus politique ou poétique. Alors avant d'entrer dans le récit de l'épisode espagnol de la vie d'Orwell, pouvez-vous nous dire qui il est en 1936, justement? Est-ce qu'il est déjà un écrivain connu? Connu? Pas vraiment, il commence à être un peu connu, il a écrit quelques textes, il vient de faire un reportage social dans le nord de l'Angleterre sur les mineurs qui n'a pas encore été publié, mais il n'est pas vraiment encore socialiste, il est attiré, disons, par l'univers à la fois théorique mais surtout social. Donc il se cherche un peu, il se tâte et je pense qu'il est dans une période un peu trouble, indécise et il décide comme ça de partir à Barcelone, non pas dans les brigades internationales mais il rejoint le PUM, le Parti Ouvrier d'Unification Marxiste. Alors pourquoi justement il choisit Barcelone, pourquoi il choisit le PUM, donc ce Parti Ouvrier d'Unification Marxiste? Il part en Espagne donc combattre le fascisme, mais c'est pas par hasard qu'il va à Barcelone et choisit le PUM. Non, il avait déjà en Angleterre, bon, il tournait autour des milieux socialistes et notamment de l'ILP, enfin le Independent Labour Party, qui était une sorte de parti socialiste beaucoup plus à gauche que le parti travailliste classique. Et donc il avait déjà des liens et c'est eux qui l'ont aiguillé vers Barcelone. Barcelone. 1936, donc, il faut le rappeler, la République espagnole est menacée par les troupes franquistes qui donc arrivent du sud de l'Espagne. Mais il se passe aussi quelque chose de particulier à Barcelone. Il y a une révolution sociale. Oui, alors la situation est quelque peu embrouillée parce qu'effectivement, on a la République espagnole qui donc est attaquée par l'armée de Franco qui vient du Maroc, mais en même temps, cette République elle-même est l'objet de tensions internes entre, on pourrait dire, les républicains modérés et puis l'aile de la gauche anarchiste, les gens du Poum, etc., qui eux voudraient que, au fond, la guerre civile soit l'occasion d'une révolution sociale, et ça, et indiquant qu'on ne peut pas gagner la guerre si on ne gagne pas d'abord la révolution. Alors le Poum, c'est quoi? C'est des communistes, des trotskistes, des anarchistes? C'est un petit mélange de tout ça. C'est plutôt des communistes non staliniens, pas forcément trotskistes, puisque Andrézhnine, le directeur du Poum, a pris ses distances avec Trotsky. Donc c'est plutôt, on pourrait dire, des marxistes non staliniens ou non bolcheviques. Et c'est un petit parti, 10 000 adhérents, mais qui a un certain rôle et qui aussi a une fraction armée qui combat sur différents fronts en Espagne contre les armées fascistes de Franco. Et ça va mal se terminer pour le Poum, donc en 1937, on va en parler tout à l'heure. Alors je vous propose de retrouver Bruce Bégou dans environ 30 minutes, le temps d'écouter George Orwell, un Anglais en Catalogne, un texte original écrit pour Autant n'importe l'histoire par François Luciani. La réalisation est signée Laurence Courtois. Ils sont capables de me tuer, je le sais maintenant. Ils en ont déjà éliminé d'autres, et bien plus durs que moi. Ils me traquent comme un voleur, un vulgaire malfrat. Qui sont-ils? Des fascistes? Non, même pas. Ce sont mes amis, mes camarades de combat. Ce matin encore, j'étais pour eux un héros du front d'Aragon, un volontaire anglais courageux, respecté de tous. Ce soir, je suis un paria, un traître, un criminel à éliminer. Ai-je fait quelque chose de mal depuis le lever du soleil? Non, j'ai juste commis le crime de ne pas penser comme Staline. C'est une nuit sans étoiles. J'avance dans le noir, aux abords d'une ville à feu et à sang, Barcelone, que j'ai tant aimée. L'écho des mitrailleuses résonne du côté de la Rambla. Je ne sais même plus qui tire contre qui. Mais là-bas, c'est sûr, on s'entretue. Mai 1937 à Barcelone. Cet Anglais qui n'ose plus mettre les pieds dans son hôtel et erre dans la nuit s'appelle Eric Arthur Blair, dit George Orwell. Il y a 6 mois, ce journaliste et romancier de gauche a rejoint en Catalogne les milices républicaines espagnoles du Poum, parti ouvrier d'unification marxiste, comme engagé volontaire pour participer au combat contre les troupes franquistes sur le front d'Aragon, au nord-est du pays. L'Espagne est alors tout entière plongée dans la guerre civile. Théâtre d'une tragédie qui bouleverse les démocrates du monde entier, la guerre d'Espagne, conflit prémonitoire où s'affrontent fascisme, communisme et démocratie, ne s'éteindra que le 1er avril 1939, avec la victoire de Franco, 3 ans et 450 000 morts plus tard. Mais sous les yeux du soldat Eric Arthur Blair, une autre guerre se découvre peu à peu, une guerre cachée, hideuse et fratricide, celle qui verra les républicains espagnols, communistes, trotskistes, anarchistes, se déchirer entre eux au nom du socialisme et de la liberté. Pour George Orwell, le futur auteur de 1984, cet épisode de sa vie va être déterminant. C'est à Barcelone, en effet, qu'il va prendre conscience du danger du totalitarisme sous toutes ses formes. Un an plus tôt, en 1936, Eric Blair prenait la route pour l'Espagne. Faisant halte à Paris, il passe une soirée avec l'écrivain américain Henry Miller, dans sa chambre minable. Ils parlent et ils boivent. Miller vient de publier « Tropique du cancer » et il est poursuivi aux États-Unis pour obscénité. Les deux écrivains ont une vision assez différente de la vie et de l'engagement. « Tu viens de te marier et tu pars seul ?»« Eileen viendra me rejoindre dès que ce sera possible. »« Ça vaut mieux, sinon t'auras tout fait d'avoir des cornes. » Mais nous nous aimons, tu le sais. Ce n'est pas une raison. Aileen est quelqu'un de bien. Je ne dis pas le contraire. Tu n'as pas froid, t'es en chemise. Je vais remettre une bûche dans le poêle, tu veux ? Il n'y a plus de bois depuis une semaine. Sers-moi plutôt un verre. À ta santé, Henri. Alors, comme ça, tu t'engages dans l'armée, encore une fois. Avant, c'était la police en Birmanie, et maintenant l'Espagne. Ça devient une habitude. Tu as signé ton engagement ? Oui, comme volontaire. Pour voyage de noces, il y a des destinations plus sexy, tu ne crois pas ? T'as pensé à Venise ? Une lune de miel sur la lagune, voilà une bonne idée. Et je ne pars pas faire du tourisme, tu le sais bien. Pour combien de temps ? Je sais pas encore. Ça dépendra. Excellent. Et si tu veux foutre le camp, tu fais comment ? On verra, je me débrouillerai. La guerre est une saleté, Eric. La cause est juste. La bonne cause, la revoilà celle-là. Il ne manquait plus qu'elle au tableau. Pathétique. Tu peux me donner une seule et unique bonne raison d'aller là-bas, en dehors de vouloir te faire trouer la peau ? Tu veux jouer des sauveurs, les Boy Scouts ? T'en as marre de la vie ? Tu veux crever, c'est ça ? Ce n'est pas une armée comme les autres. Tu peux me dire la différence ? Le but d'une armée, c'est bien de tuer, non ? Le POUM est un parti frère du Parti Travailliste. J'ai une lettre d'introduction pour John McNair de l'Independent Labour Party. Il est sur place, là-bas, pour défendre la liberté. C'est des conneries tout ça, des foutaises. Tu t'es laissé embobiner comme un gamin, Eric. Mais ne crois pas ça. Tu veux te faire une petite peur d'écrivain, c'est ça ? Qu'à cela ne tienne ? Tente la voltige, le saut à ski, chasse le bison en Alaska, fais des gosses. Mais surtout, ne va pas te fourrer dans un merdier pareil. Tu sais bien qu'il y a que des mauvais coups à prendre. Je sais que tu fais semblant de ne pas comprendre. Je lis entre les lignes. Ton petit égo a besoin d'émotions fortes, un petit coup de fouet avec du sang. Tu veux faire comme les autres, Hemingway, Dos Passos, les imiter, avoir bonne conscience, faire bonne figure. Mais ouvre les yeux, Eric. Ce ne sont que des discours, des mots. C'est notre devoir que de défendre la démocratie. La démocratie ? Mais elle n'a besoin de personne, la démocratie. Surtout pas de toi. Tu ne vois pas que tout est déjà foutu ? Le fascisme serait une catastrophe morale. Mais c'est déjà une catastrophe morale. La raison de plus pour le combattre. Parce que tu crois qu'avec tes petits bras d'intellectuel rachitique, tu vas pouvoir te changer le monde. Tu te crois plus fort qu'Hitler, à toi tout seul, mais tu te gourres, soldat Blair. Peut-être. Tu vas te faire tuer pour rien. Voilà ce que je sais. Les jeux sont faits, Eric. Tu ne le vois pas ? Tu ferais bien mieux de retourner chez toi, à Henley ou à Portobello Road, avec tes potes, les misérables que tu aimes tant, et écrire de bons livres sur eux et nous, comme tu sais le faire. C'est là que tu seras le plus utile, crois-moi. Mais alors je serai un lâche. Tu ne vois pas qui te trahiront, tous autant qu'ils sont ? La plus grande des lâchetés, Eric, c'est de ne pas écrire. Alors, tu te dégonfles, c'est ça ? La trouée de la page blanche ? Bien sûr, ça, je comprends. Je dois faire mon devoir. Ton devoir ? Tu n'as que ça à la bouche, mais y pue ton devoir, si tu veux savoir. Je t'enverrai des cartes postales, d'accord ? Pas la peine. Essaye de revenir vivant, si c'est pas trop te demander. Il n'avait peut-être pas tout à fait tort. Mais ce soir-là, je ne pouvais pas lui donner raison. J'avais besoin de suivre mon instinct. Besoin de combattre, témoigner, construire mon idéal. Arrivé en décembre 1936, Eric Blair est fasciné par le spectacle de Barcelone qui, depuis juin, vit une expérience unique en son genre. Une révolution sociale menée par les anarchistes et les combattants du POUM. Les ouvriers ont pris le pouvoir dans les usines et les transports urbains. Les paysans ont collectivisé les terres. Et tous les petits commerces de la ville, cafés, salons de coiffure, hôtels, restaurants, même les cireurs de bottes, portent à leur devanture une inscription informant de leur collectivisation. Cette révolution sociale s'accompagne d'une floraison d'ateliers d'alphabétisation, de bibliothèques pour tous, de sorties au théâtre, de débats politiques, etc. C'est la première fois de ma vie, écrira Blair, que je me trouvais dans une ville où la classe ouvrière avait pris le dessus. Ici, à Barcelone, nous sommes tous égaux. On ne fait pas de différence entre les riches ou les pauvres, les bourgeois ou les prolétaires, et les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Il y a des drapeaux rouges partout. Personne ne dit plus senior ou don ou même usted. On se tutoie et on s'appelle camarade. Au café Moca, sur la Rambla, on passe des nuits à refaire le monde. Ce soir, avec les autres, il y a Alfonso, un jeune milicien communiste, toujours vêtu de cette infatigable salopette bleue, amateur de bons mots et de liqueurs. Alors, camarade, comment va ton roi? Et comment il s'appelle déjà? George. George. C'est un joli prénom. Et George, comment? George VI. C'est un sacré pourri des fascistes, hein, ton George VI, non? Bah, pas plus que les autres. Puis on peut rien dire, il vient d'arriver. Il n'aime pas beaucoup la République, hein, pas vrai? Ben oui, c'est un roi, oui. Mais à la manière anglaise, il fait pas tout ce qu'il veut. Nous aussi? Ah bon? On avait un roi. Il s'appelait Alfonso, comme moi. On l'a viré en 1931. Et vive la République! Sacré Alfonso. À toi. Vive la République! Dis-moi, vous êtes beaucoup d'anarchistes chez toi? Quelques-uns. Combien? Une poignée. Tu vois, ici c'est plus simple. Il n'y a pas des rois, ni des reines, ni des princesses. Les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent. Il n'y a pas des patrons, ni d'ouvriers. Il n'y a que des gens simples qui veulent le bonheur d'autres gens simples. Et c'est quoi pour toi le bonheur des gens simples? Être libre, égaux, avoir de quoi manger et se soigner. Et rien d'autre? Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Je sais pas, moi. Alors quoi? L'amour, la beauté. Oh, tu penses à qui? À personne. Une jolie rousse à la peau blanche et au petit sein comme les femmes de chez toi? Non, je te dis ça en général. Alors, ok pour l'amour. À l'amour. À l'amour. Et à la révolution. Quoi? Tu doutes de la révolution? Non, mais... Non, c'est juste que parfois je me demande... Tu te demandes quoi? Je sais pas, tout ça est si nouveau, je me demande comment ça va tourner. Tu as peur de quoi? Je n'ai peur de rien. Alors? Sauf que ça tourne mal. Mais pourquoi ça tournerait mal? Je sais pas, c'est comme un pressentiment. Ma mère m'a toujours dit de me méfier des contes de fées, alors... Alors, à ta mère. J'aime bien Alfonso. A la madre. A la madre. C'est un chic type. Un gars qui y croit. Il s'est donné aux gens l'envie d'être heureux. J'ai envie d'y croire avec lui. Partager cet immense espoir d'un monde meilleur. Mais tant de choses me disent qu'il faut y regarder à deux fois. Si Éric Blair est un ardent défenseur des idées libertaires, il sait aussi rester à distance de l'engouement pour une révolution sociale aux contours politiques encore incertains. Il se rend compte assez vite que derrière l'apparence séduisante d'un État prolétarien se cache une réalité moins brillante. Si les bourgeois ont disparu, c'est parce qu'ils ont fui ou qu'ils ont été tués. Et l'ancien fonctionnaire de l'Empire britannique, qu'est Éric Blair, ne peut s'empêcher d'être exaspéré par la pagaille qui règne dans l'armée républicaine. En pénurie d'armes, la préparation des soldats se résume bien souvent à marcher au pas, le torse ridiculement bombé dans les jardins publics de Barcelone. Après quelques semaines, sans la moindre instruction militaire, le soldat Blair rejoint les premières lignes du front d'Aragon. Il y côtoie la boue, la faim, le froid. Les défenseurs de la République sont bien souvent en guenille, barbus, affamés, épuisés. Sur le front, Blair a pour seule arme un vieux fusil allemand qu'on lui a donné, un Moser rouillé qui date de la Grande Guerre. Il n'y a pas un bruit. Les montagnes d'Aragon sont muettes, comme suspendues, hors du temps. Sauf les grenouilles. Ce chant entêtant vient des marais, en contrebas, là où déjà plusieurs d'entre nous ont été blessés et deux ont été tués. C'est une nuit étrange, baignée dans un brouillard qui vient par vagues. J'ai froid. Je grelotte comme un enfant. Le canon de mon fusil tremble, incapable de viser la position des fascistes. Retranché dans la Casa Francesca, à une centaine de mètres de ma tranchée. À l'affût, plongé dans la boue jusqu'à la taille, je guette le cliquetis des armes. À gauche, il me semble entendre des bruits de pas, deux hommes pas plus, qui avancent dans les gadous. Puis, venant de la droite, des chuchotements. Pas de doute. Les fascistes se rapprochent. Je fais signe à Rouac. sont là, juste devant, là. Coño, esta mierda no vale nada. Nada, te lo digo. Mais vous n'en avez pas d'autres, celles-là, elles sont foutues. Père. Toma. J'en ai touché un, peut-être deux. Au même instant, une silhouette jaillit. Par réflexe, Eric lève son fusil et lâche la détente. De nouveau un hurlement. Puis Joachim balance encore deux ou trois grenades à l'aveugle, au hasard de la nuit. Nos tenemos, compañeros. Ahora están volviendo a casa. ¿Tú crees? Seguro. Mira. Puis Joachim disparaît dans la tranchée. Depuis plus d'un mois, je n'ai plus de chaussettes. Il reste très peu de semelles à mes bottes. Les autres ont faim, sont souvent malades. À cause du froid et des blessures. Il me tarde de voir Eileen, la serrer dans mes bras, avec tout mon amour. Eric, mon cœur. Je serai à l'hôtel Continental 138, la Rambla, vendredi. Dès que tu seras là, nous irons faire un tour jusqu'à la mer. Tu verras, il commence à faire meilleur. Et peut-être nous pourrons nous tremper les pieds. Ici, je m'occupe de l'administration. Il y a tant à faire. Je t'attends. Dépêche-toi. Eileen. Le 26 avril 1937, après 3 mois et demi passés sur le front d'Aragon, Eric Blair obtient une première permission. Il rejoint son épouse, Eileen O'Shaughnessy, à Barcelone, à l'hôtel Continental. Eileen a 31 ans. C'est une jeune femme discrète, intelligente et cultivée. À Barcelone, elle prend en charge avec le PUM, parti ouvrier d'unification marxiste, l'administration des affaires courantes et l'aide aux blessés. J'ai besoin d'elle. Sentir son corps, elle le sait. Attrape-moi, c'était un homme. Courir vers la mer, plonger avec elle dans des vagues limpides, se cacher dans l'écume, caresser sa peau orangée dans un contre-jour de carte postale. Dis-le-moi dans les yeux. Toi, t'es un type fidèle? Tu sais bien que non. Je sais qu'un jour tu partiras. Tu me laisseras. Pour tes livres ou pour une autre femme. Peu importe. Mais tu me laisseras. Comment en es-tu si sûre? Parce que je le sais, c'est tout. Et si tu te trompais? Ah, ça m'étonnerait. Je te vois bien avec ta vue basse, comme tu regardes les autres femmes. Si, et le reste. Mais tu sais bien que c'est pas vrai. Je me trompe. Eileen, t'es ma femme, la femme de ma vie, et je t'aime. Tu es ma femme, la femme de ma vie, et je t'aime. Tout de suite les grands mots. Tu dis ça juste pour me faire plaisir. Je t'aime de nos jours, ça veut plus rien dire. Tu le sais aussi bien que moi. Bah tu crois ça, toi? Oui, parfaitement. Et bah pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Tu mens. Mais je suis sincère, je t'assure. Alors, prouve-le. D'accord, alors comment? Devine. Qu'est-ce que tu veux, un bouquet de fleurs? Une bague en diamant? Fais-moi un enfant. Là, maintenant hein? Oui, maintenant. Faire la guerre, tuer des gens, faire des enfants, cela a-t-il vraiment un sens? J'aurais bien voulu un enfant d'elle. Eileen est merveilleuse, mais malheureusement, la nature en a décidé autrement. Patience. Dans cet océan de violence, de crimes et de détresse, nous gardons tous deux cet espoir en secret, comme un petit coin de ciel bleu bien à nous. Prolonger notre amour en donnant la vie. Dans toute l'Espagne en guerre, on entend le récit de massacres et de tueries. À mesure de la progression des troupes rebelles de Franco et de la prise des villes et des villages, les militants et sympathisants de la République sont systématiquement arrêtés, emprisonnés ou fusillés. on compte des dizaines de milliers de victimes. À Badajoz, en Estramadour, on parle encore du 14 et 15 août 1936, où plusieurs centaines d'hommes et de femmes, des miliciens mais aussi des civils, ont été exécutés sommairement. Marie Conesse, Franco nous traite de PD, on aura tout vu. Hein. Il a peut-être peur des hommes. C'est un boucher. Avec la bénédiction de l'Église. Des hommes, des femmes, des enfants, on tue de tous les côtés. Et en France, Léon Blum ne fait rien, de peur de déplaire à Churchill, qui lui-même a peur de Staline, qui lui-même a peur d'Hitler. En fait, tout le monde a peur de tout le monde, sauf nous. Tu y crois, toi, à la paix ? La paix ? Mais c'est quoi, déjà, la paix ? Ouvre la fenêtre, regarde. Dans la rue, juste en bas, là, sous nos yeux, la paix, c'est comme un vieux souvenir, un vœu pieux. À vouloir l'exaucer, on va se faire écraser comme des merdes. En ce début mai 1937, Barcelone est en ébullition. Le gouvernement républicain de Madrid veut reprendre le contrôle de la ville, tenue depuis presque un an par les anarchistes et les trotskistes. Pour y arriver, il s'allie aux communistes. Le 3 mai 1937, en effet, les Asaltos, troupes d'élite de la République, fidèles soutiens des communistes catalans, tentent de reprendre le central téléphonique aux anarchistes de la CNT, Confédération nationale du travail, qui y ont pris position. La ville se hérisse de barricades. La ministre anarchiste Federica Montseny se précipite par avion depuis Valence et donne à la radio l'ordre de cesser le feu. Un manifeste signé de la CNT est distribué le 4 mai sur les barricades. « Déposez les armes, embrassez-vous comme des frères. Nous obtiendrons la victoire si nous nous unissons. Nous serons vaincus si nous nous battons entre nous. Pensez-y bien, que la concorde règne entre nous. » Mais les insurgés refusent de déposer les armes. Les ouvriers n'en croient pas leurs yeux. Ceux avec qui ils combattaient hier sont aujourd'hui de l'autre côté de la barricade. Georges Kopp, l'ami belge, milicien du Poum, commandant de la division Lénine sur le front d'Aragon, a rejoint son ami Éric Blair au café Moka. J'ai la drôle d'impression qu'on est en train de se faire baiser. Mais ce sera pas la première fois. Ce sont des lâches. Ils tournent le dos à la révolution. Tu ne fais plus confiance au guide suprême. Tu rigoles ? Ce qui compte pour eux, c'est l'avenir de l'URSS, l'intérêt du parti et ceux qu'ils dirigent. Le reste n'a pas d'importance, et nous, encore moins. Et ils en profitent pour éliminer les opposants. On sera les prochains sur la liste. C'est pas impossible. Trahi. Mais par qui ? Tout simplement par nous-mêmes. Nous avons créé un monstre. La caricature hideuse de notre idéal. Nous voulions une société riche et égale pour tous. Nous avons gagné la misère et la bureaucratie. Nous voulions la liberté. Nous avons la dictature. Toujours en permission à Barcelone, Éric Blair est pris au piège des émeutes qui font rage. Dans l'hôtel Falcon, quartier général du Poum, des gens sont étalés par terre, endormis. Dans une pièce, un bébé pleure sans discontinuer. La nuit est très froide. Devant l'une des anciennes salles de music hall de l'hôtel, les rideaux d'un spectacle fantomatique pendent encore. À 3 heures du matin, Éric Blair reçoit l'ordre de se placer en faction à l'une des fenêtres qui donnent sur la rue. Qui se bat contre qui ? Il n'en sait rien lui-même. Hé, hey, ne tirez pas sur nous ! Quoi ? Ne tirez pas sur nous, ou on tirera aussi ! Non, non, ce n'est pas vous qui gémissez ! Avec son fusil, l'homme lui montre un milicien en salopette bleue, un militant du Poum, un fusil dans la main qui file à l'angle de la maison. Il vient de tirer un coup de feu sur les gardes civils, des communistes. C'est sur lui que j'ai tiré ! Il a tiré le premier ! On n'a pas envie de vous tuer ! Nous sommes des travailleurs, nous aussi ! Tout comme vous ! Hé, hey, est-ce qu'il vous reste encore de la bière ? Non, il n'y en a plus ! Éric Blair a passé la nuit en faction face à lui, cet inconnu, un camarade devenu un ennemi. Puis, à l'aube, quand les combats se sont calmés, il peut enfin traverser la ville pour rejoindre Eileen. Je me perds dans le puzzle des ruelles étroites de cette ville où l'on s'entretue maintenant entre camarades. Dans la bouche et le goût amer du sang versé, où chacun tire à l'aveugle, sans vraiment savoir qui est qui. Éric rentre enfin à l'hôtel Continental. T'étais où ? Il est 6 heures du matin, j'étais morte d'inquiétude. J'ai réussi à remonter la Rambla jusqu'ici, ça tire de partout, on ne sait même plus pour qui ni pourquoi. Les staliniens disent partout que les anarchistes et les trotskistes sont alliés aux fascistes. Ils ont des armes toutes neuves qui viennent de Moscou. Ouais, la grande purge a commencé. Hitler n'aura plus qu'à compter nos morts. Staline contre Hitler. Si tu cherches ton camp, le choix est vite fait. Ni l'un ni l'autre. Eric, j'ai un mot pour toi. Fais voir. Non. Fais-le voir, je te dis. Non, je veux pas. Aileen, voyons. Ta permission est terminée. Tu dois regagner le front. Je veux pas que tu t'en ailles. Quitter l'armée républicaine lorsqu'on est engagé volontaire n'est pas chose facile. Il faut une bonne raison, et le soldat Blair n'en a aucune. Son temps libre est terminé, il doit impérativement rejoindre son bataillon, la division Lénine. Sinon, il sera poursuivi comme déserteur. 3 jours après la fin des émeutes de Barcelone de mai 1937, Eric Blair est à nouveau sous les drapeaux des milices du PUM, du côté de Huesca, avec les anarchistes, les trotskistes, les syndicalistes, ensemble sous le feu des balles des milices franquistes. Parmi eux, il y a aussi des staliniens. Situation ahurissante en effet. À Barcelone, des staliniens pourchassent les anarchistes et les trotskistes. Ici, sur le front, ils se battent ensemble. Qui sont les véritables ennemis de Staline? Franco? Hitler? Ou bien des hommes comme Blair ou même Georges Kopp, ce Belge qui a tout donné pour la République espagnole, qu'il soupçonne déjà d'être un espion? Dictature contre dictature, Staline contre Hitler. Le soldat Eric Blair est-il bien du bon côté en ce combat douteux? Finalement, il ne se passe pas grand-chose au front. De temps à autre, les fascistes nous tirent dessus avec des grenades. Ça fait un fracas épouvantable, mais cela ne présente pas un grand danger. Environ 600 mètres, tout près d'une mitrailleuse fasciste, il y a un immense champ de pommes de terre. J'ai calculé qu'un homme, en rampant à plat ventre, ne pourrait pas être touché par les tireurs à cette distance. Alors quand on a faim, je dis aux autres, je vais aux patates. Je prends mon sac et je rampe jusque-là. Les fascistes me tirent dessus à chaque fois, sans jamais pouvoir m'atteindre. Ça fait rigoler tout le monde dans la tranchée. Jusqu'au jour où... Il est 5 heures du matin. C'est une heure dangereuse, car les silhouettes des hommes sont à contre-jour. Si la tête dépasse du parapet qui leur sert d'abri, elle se profile très nettement sur le ciel. Un éclair. Un grand claquement. Comme foudroyé. Une violente douleur et aussitôt une immense sensation de faiblesse. Je comprends que je suis touché. Mais où? J'entends des mots qui viennent par bribes. Aidez-le à se relever. Ouvrez-lui sa chemise. Un Américain demande un couteau. Je sais qu'il y en a un dans ma poche. Et je m'efforce de le sortir, mais je comprends alors que mon bras droit est paralysé. Je ne souffre plus. Voilà qui va faire plaisir à Eileen. Elle qui voulait que je sois blessé pour que je rentre avant d'être tué. Mais où suis-je donc touché? Je veux parler? Impossible. Je n'ai plus de voix. La sentinelle s'affole. Il est blessé à la gorge. La balle a traversé le cou. Je sens le brancardier qui me soulève et un flot de sang sort alors de ma bouche. Ma conscience se met à flotter. Hailey. Hailey. L'homme qui a tiré sur moi, sait-il qu'il m'a eu? Étrangement, je n'éprouve aucun ressentiment. Le milicien Blair est aussitôt transporté à l'hôpital de Lérida, où il reste quelques jours. C'est un grand hôpital où se trouvent mêlés au petit bonheur des civils et des blessés de guerre. La balle qui a touché Blair à la gorge lui a paralysé les cordes vocales. Il est transporté ensuite à l'hôpital de Tarragone, puis à Barcelone. Mais à Barcelone, entre-temps, la situation s'est encore aggravée. Les communistes, à travers le Parti Socialiste Unifié de Catalogne, parti stalinien affilié à la Troisième Internationale, ont déclaré le PUM illégal. Tous ses bureaux, librairies, sanatoriums, centres de secours ont été saisis. Les miliciens anarchistes et trotskistes sont pourchassés, emprisonnés, parfois même fusillés. Définitivement, le soldat Blair, même blessé, n'est pas du bon côté. Cette fois, je n'ai plus la force. Je renonce. Je rentre au bercail. Par chance, j'ai reçu ce matin mon certificat de démobilisation. Sur le sceau de la 29e division, la division Lénine, il y a une mention. Bon à rien. Mieux vaut en rien. Éric Blair rejoint péniblement l'hôtel Continental où sa femme l'attend dans le hall. Eileen. Enfin la voilà. Elle me regarde de loin. C'est bizarre. Elle semble ne manifester aucune émotion en me voyant. Va-t'en. Eileen. Va-t'en tout de suite. Tu dois pas rester ici. Pars. Ils ont arrêté Cop ce matin. Ils disent qu'ils vont le fusiller. Comme Andrés Nin, le secrétaire du POUM. Ils disent que nous sommes des agents d'Hitler à la solde des fascistes. Ils vont tous nous tuer, Eric. Il faut partir, partir tout de suite. Va te cacher quelque part où tu voudras pendant 2 ou 3 jours. On se retrouvera à la gare de Barcelone tous les soirs jusqu'à ce que j'aie fait les papiers pour rentrer en Angleterre. Ne te montre à personne. Donne-moi ta carte de milicien. Fuir. Sinon, ils me tueront. Je rase les murs. Je me cache. Suis-je donc devenu un lâche, un salaud ? Je ne suis plus rien, ni un soldat, ni un homme libre. Je suis un traître aux yeux de tous. Henry Miller avait-il donc raison ? Sont-ils donc capables de nous pendre au gibet, sans vergogne ? Nous passer par les armes, au nom de ce qu'ils nomment la liberté ? Est-ce donc cela, le prix de ce combat ? Et mon ami, George Kopp, où est-il à présent ? A-t-il pu trouver refuge quelque part ? Son sourire généreux ne me quitte pas. Il m'obsède. J'ai servi sous ses ordres durant des nuits et des jours, dans le froid et la faim, du côté de Saragosse et de Huesca. Nous étions côte à côte. Il a tout sacrifié. Sa famille, son métier, son pays, tout, pour venir ici en Espagne, défendre la République. Mourra-t-il aujourd'hui sous les balles des fusils qu'il a lui-même armés ? Oseront-ils ? Je suis fatigué. Il fait déjà nuit. Je cherche un coin où dormir, sans que les gardes civils ne viennent fourrer leur nez là où il ne faut pas. J'avance, à tâtons dans la nuit noire, sur ce chemin de cailloux. Partout, ça sent encore le feu. Il y a une chapelle en ruine, près d'un cimetière caché dans les cyprès. Aucun doute, c'est là que je serai en sécurité pour la nuit. Stalinien, trotskiste, anarchiste. Cette guerre fratricide qui se déroule sous les yeux d'Éric Blair est terrifiante. Mais bien plus terrible encore, une autre guerre a déjà placé ses pions. Sur ce champ de bataille qui oppose 2 camps totalitaires, celui d'Hitler et celui de Staline, le soldat Blair a compris qu'il n'y a plus de place pour les gens comme lui, les humanistes, les utopistes. Ironie du sort et de l'histoire, c'est dans les ruines d'une chapelle incendiée, symbole d'une croyance qui lui est étrangère, qu'Éric Blair, absolument athée, vivra les derniers instants de sa guerre d'Espagne. Fallait-il donc à ce moment que Jésus s'en mêle ? Étrange retour des choses, c'est ici que j'ai trouvé refuge, dans la demeure en ruine d'un dieu chrétien, mis à sac par les combattants de la liberté. Non, définitivement, le Saint-Esprit peut rester chez lui, là-haut, je ne l'appellerai pas, même si je dois mourir sous son toit. J'accepte seulement son message d'amour, s'il est capable de faire la différence entre les justes. Après des jours et des nuits d'errance et de clandestinité, Éric Blair retrouve enfin son épouse, Eileen, à la gare de Barcelone. à la fin du mois de juin 1937, ils quitteront l'Espagne par le train, tout simplement, parmi les touristes et les soldats blessés. Sur la route, ils aperçoivent ici et là, le long des voies ferrées, la longue file des familles, des femmes, des enfants qui fuient aussi. Des visages reviennent. Des pensées vont vers l'ami Georges Kopp, dont on ne sait s'il est encore vivant. Alors, le soldat Blair écrit. Il écrit au gouvernement républicain pour demander la libération de Kopp et de bien d'autres encore, victimes de leur engagement pour la démocratie. Quelques années plus tard, après la mort d'Eileen, décédée en 1945 d'un cancer, Eric Blair, dit George Orwell, publiera 1984, véritable plaidoyer contre le totalitarisme, qui tire sa source directement de l'aventure du soldat Blair, engagé volontaire dans la guerre d'Espagne. Cet épisode mouvementé de sa vie, George Orwell le raconte dans un autre ouvrage resté célèbre, « Hommage à la Catalogne », publié en 1938, alors qu'il avait 35 ans. Au cas où je ne vous l'aurais pas dit au cours de ce livre, je vous dis à présent ceci. Méfiez-vous de ma partialité, des erreurs sur les faits que j'ai pu commettre et de la déformation qu'entraîne forcément le fait de n'avoir vu qu'un coin des événements. Et méfiez-vous exactement des mêmes choses en lisant n'importe quel autre livre sur la guerre d'Espagne. George Orwell, un Anglais en Catalogne, de François Luciani avec George Orwell, Sharif Andoura, Eileen O'Shaughnessy, Céline Mia Baumgartner, George Kopp, Pierre Rochefort, Henry Miller, Dominique Gould, Alfonso, Emmanuel Suarez, Joachim, Aurélien Ozinski, un homme, Emiliano Suarez. Prise de son montage et mixage, Marie Le Peintre et Victoria Asper. Intervenant spécialisé, Benoît Fèvre. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Laurence Courtois. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion sur George Orwell avec mon invité Bruce Bégou. Tu me acostumbraste a todas esas cosas. Y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación llenando de ansiedad mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí ahora me pregunto. Chavela Vargas, tu me acostumbraste, sur France Inter, autant on emporte l'histoire, une émission réalisée par Michel Billoux, assistée de Christiane Alain Favre. Programmation musicale Djoubaka, la technique Grégory Wallon, et je remercie au passage France Bleu Gironde. Bruce Bégou, nous venons de partager avec George Orwell son aventure invraisemblable, donc vécue en 36-37 en Catalogne. C'est quand même incroyable. Cet Anglais qui part combattre en Espagne, par fraternité pour les révolutionnaires espagnols, et il voit soudain leurs armes se retourner contre lui. Comment expliquer cette politique décidée par Staline à Moscou, je suppose ? Ah, là je ne suis pas dans l'esprit de Staline à cette époque-là, donc c'est difficile. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par le biais de sa police politique, GPU, NKVD, il fait un calcul, ils veulent empêcher une révolution sociale en Espagne pour, au fond, conserver le monopole révolutionnaire. Et puis, ils pensent que la situation n'est pas propice à cette révolution sociale en Europe, qu'il y a trop de fronts à combattre. Et donc, effectivement, la politique stalinienne est plutôt une politique d'éradication de tout le flanc gauche du Parti communiste, comme elle avait déjà été pendant la révolution d'octobre, hein, où vous avez déjà éliminé, au fond, les anarchistes, non pas ce qu'on appelait les trotskistes à cette époque-là, parce que Trotsky était chef de l'armée rouge, donc il était lui-même... partisans de cette politique-là. Donc, c'est quand même une situation invraisemblable que vit George Orwell, donc de son vrai nom Eric Blair. Il revient à Barcelone, il est blessé, il vient de se battre contre Franco et il se retrouve menacé d'une purge. Enfin, il retrouve une ville en pleine purge stalinienne. On ne peut pas dire autrement, quoi, avec des crimes de masse, des emprisonnements, des tortures. C'est vrai qu'Orwell se retrouve je dirais pas au bon endroit, au bon moment, c'est plutôt au mauvais endroit, au mauvais moment, mais c'est vrai que lors de sa première permission, il est au début du mois de mai à Barcelone pendant les journées de mai, et ensuite il revient, il est blessé, il revient pendant cette purge, effectivement, le gouvernement catalan profitant des tensions de mai pour basculer encore plus sous la coupe des communistes, hein. Donc entreprennent, oui, une véritable purge, on élimine progressivement le POUM, pas la CNT, parce que la CNT est beaucoup plus puissante et beaucoup plus populaire auprès des individus, mais le POUM est déjà une sorte de... Ils se font un peu les dents avec le POUM, et puis ensuite ils élimineront bien évidemment aussi les anarchistes, oui. Alors, mais le totalitarisme donc qu'il découvre, ce n'est pas que ça. Quand George Orwell arrive en Angleterre et qu'il veut écrire pour faire partager ce qu'il vient de vivre, pour alerter l'opinion publique sur la réalité stalinienne en Espagne, eh bien, il se voit opposer, à sa grande surprise, un mur de silence. Les journaux de gauche, les éditeurs refusent de publier son témoignage. C'est ça aussi le totalitarisme, c'est dans les esprits. Oui, mais c'est plus que du silence, même c'est de la calomnie, puisque on conteste ce qu'il dit et on l'accuse de diverses choses. Donc, effectivement, dès qu'il rentre en Angleterre, il propose un article, un témoin oculaire à Barcelone, qui est refusé par pratiquement tous les journaux de gauche un peu importants, comme New Statement, etc. Il arrive à le faire publier, mais dans une petite revue, et puis il contacte son ancien éditeur Golands, qui avait publié le Quai de Wigan, qui refuse son texte sur la Catalogne avant même qu'il ne soit écrit. Oui, c'est un choc, je dirais c'est un double choc. C'est le choc à Barcelone, c'est d'abord le choc du meurtre. Orwell ne comprend pas l'assassinat politique, il voit l'assassinat politique. Et le deuxième choc, c'est le mensonge et, au fond, la modification du réel par le biais de la propagande, de la manipulation des faits, de la manipulation des discours. Et donc, il voit les deux aspects du totalitarisme, à la fois l'élimination directe des individus par l'assassinat politique et, en même temps, la construction d'un discours de propagande, de falsification des faits et de l'histoire, qui, là, l'étonne vraiment, lui, nourrit, au fond, au factualisme. Il faut pas oublier qu'au départ, il fait une carrière en d'écrivain journaliste et il est fasciné par le réalisme, par les faits, par aller sur le terrain pour nourrir ses textes. Et là, il voit qu'il y a un décalage entre ce qu'il a vu et ce qu'on raconte en Angleterre et ailleurs, ou dans la Pravda, par exemple. Alors, ce qui est beau aussi dans la trajectoire de George Orwell, après sa guerre d'Espagne, il aurait pu revenir aigri, désabusé par l'humanité. Eh bien non, il continue à croire et justement, il veut faire partager, il veut dire la vérité. Et il va écrire 1984, quelques années plus tard, donc ce sera après la guerre. En quoi l'expérience espagnole annonce-t-elle justement ce livre 1984 ? Ben déjà l'expérience espagnole le convertit véritablement au socialisme. Il hésitait en 36 quand il revient de la guerre d'Espagne. Il est socialiste. Il s'inscrit même à l'ILP, hein, l'Independent Labour Party. Et donc là vraiment, il a un engagement inaltéré et inaltérable de 36 jusqu'à sa mort en vue d'un socialisme non totalitariste. Et je dis ceci parce que certaines interprétations d'Orwell, notamment américaines, à partir de La Ferme aux Animaux et de 1984, voudraient croire que son anti communisme en ferait plutôt un penseur libéral, etc. Non, il appartient à la gauche antitotalitaire, antistalinienne, et il ne démordra jamais de ses positions. Et 1984, même comme la ferme aux animaux, est déjà au fond le enfin il a vu sur le terrain. Faut pas oublier que c'est quand même un empiriste. Hein. Il parle de, au fond à partir de l'expérience et le totalitarisme. Il en a fait l'expérience concrète, physique autour de lui. Et donc bien évidemment, 1984 est une fiction, mais fiction nourrie à la fois par ses lectures, hein, Borkenau, etc., Zamiatin aussi, d'autres écrivains qui avaient déjà écrit un peu sur ces thèmes-là, mais aussi nourrie de son expérience et notamment de la trahison. Hein, le personnage de Goldstein, par exemple, dans 1984, est peut-être une référence à Dresden, etc. Enfin, c'est... Donc, effectivement, c'est une expérience malheureusement nourricière pour lui, oui. Alors, l'œuvre la plus célèbre d'Orwell est 1984, donc on vient de le dire, un roman d'anticipation politique, mais Orwell, on le sait moins, il a écrit aussi beaucoup de petits textes, ou des articles consacrés à des choses en apparence insignifiantes, les amours des crapauds, il a écrit sur des bouquets de roses, enfin, des choses qui ont l'air un peu idiotes, mais en fait, c'était des choses très importantes pour lui, justement, de parler de choses ordinaires. Comment expliquer ce concept de décence ordinaire que avait développé Orwell? Vous pouvez nous expliquer un peu ça? Oui, oui. Alors déjà, même dans 1984, on voit ce goût des petites choses dans la boutique de l'antiquaire dans laquelle se réfugient Winston Smith et sa compagne. Comme si, au fond, les choses ordinaires étaient une sorte de barrage contre le totalitarisme et contre la barbarie. Mais c'est pas simplement les choses ordinaires qui l'intéressent, c'est aussi les relations ordinaires entre les gens, ce qu'il appelle la décence ordinaire. Thème qui, expression qui apparaît dès le travail sur les mineurs anglais et qui voudrait dire d'une certaine manière qu'il y a dans les pratiques ordinaires, dans les usages des gens ordinaires, des qualités morales, d'honnêteté, de décence, de retenue, qui serviraient au fond de résistance à la propagande totalitaire et qui seraient peut-être un socle d'une réforme politique. Mais très souvent, pour lui, la décence ordinaire s'exprime plutôt de manière négative, au fond comme un rappel de ce qu'il ne faut pas faire, notamment le meurtre, le mensonge, etc. C'est une forme comme ça de moralité qui n'est pas innée, mais qui est une moralité qui serait immanente au fond à la vie ordinaire et qui s'exprimerait spontanément chez les individus lorsqu'ils sont confrontés à des choses qui leur semblent immorales, comme le meurtre, le mensonge, la trahison, ou même la violence sociale extrême. Merci beaucoup Bruce Bégou. Votre livre De la décence ordinaire est publié chez Alia. Il sera d'ailleurs réédité en janvier prochain puisqu'il est actuellement épuisé. Il sera réédité chez Alia. Sur George Orwell, un livre qui ne se démode pas, Orwell ou l'horreur de la politique de Simon Less et de George Orwell lui-même, 1984 bien sûr, et Hommage à la Catalogne, disponible dans la collection 10-18. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends aussi vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous partirons loin des drames totalitaires du XXe siècle pour un voyage dans le monde un peu dingue de la marquise d'Urfé, aristocrate richissime qui au XVIIIe siècle s'adonnait à la magie et croyait dur comme fer à sa future réincarnation. Oui, oui, une comédie où nous croiserons Voltaire, plus porté sur la raison que sur la magie, et Casanova, l'aventurier et séducteur vénitien prêt à tout pour un repas gratuit. La marquise d'Urfé, la sublime folle de Casanova, c'est dimanche prochain. Mais dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Noël Bréham pour son émission État d'esprit. Très bonne soirée à tous.